cogner, casser, choquer, briser, taper, heurter, sculpter, frapper, cogner, casser, choquer, briser, taper, heurter, sculpter. Comme un relais, chacun sa place, sa mission. Comme une troupe, comme un ballet, en harmonie nous travaillons. Comme des amis, comme des frères, nous œuvrons main dans la main. Un peu comme les trois mousquetaires, ici c'est un pour tous et tous pour un. Seulement les mains qui heurtent, martèlent.